Chapitre 2. Le cargo essaya de rattraper son retard, mais ses machines Vétus ne pouvaient rivaliser avec celles des paquebots dont les silhouettes s'amenuisaient sur la ligne d'horizon. Il y eut deux autres explosions. La mer se couvrit d'huile. 3 heures plus tard, les vagues ramenèrent vers l'Almoa des débris de toutes sortes, ainsi que des corps humains. « Où est passé le bateau torpillé ?» s'étonna Sharon. « Il n'a pas déjà coulé ?» « Si. »« Eh oui, gamine !» soupira Ziegfeld accoudé au bastingage. « Un navire peut sombrer en une minute, tu sais. Quand on n'a jamais vu ça, on s'imagine qu'un gros, gros bateau met des heures à s'enfoncer. C'est faux. Le style Titanic, le paquebot qui met des heures à disparaître, c'est exceptionnel. La plupart du temps, le navire coule comme un bloc de béton, en créant un énorme cône d'aspiration qui entraîne avec lui tout ce qui flotte à la surface. Canot sauvetage, nageurs, tout. Il est très difficile d'échapper à ce maelstrom. Ensuite, une fois englouti, l'épave se stabilise entre deux eaux à cause de l'air contenu dans ses flancs. Elle se met en quelque sorte à naviguer sous la mer sur des centaines de mètres. On en a retrouvé qui s'étaient échoués à 2 kilomètres de leur point initial d'engloutissement. La fillette hocha la tête. Elle aimait bien écouter le vieil homme. Elle avait beau savoir que c'était de sa faute si elle était aujourd'hui défigurée, elle ne parvenait pas à lui en vouloir. Elle voyait en lui une espèce de vieux pirate, une canaille prête à tout, un criminel qui, sous une apparence débonnaire, dissimulait une volonté sans faille et une totale absence de pitié. Cela lui plaisait. « Quand je serai grande, se disait-elle, je serai comme lui. » Elle l'observait donc, pour apprendre, pour se familiariser avec sa logique. Il avait tout vu, tout connu, tout essayé. Il avait été pilote de chasse dans la Luftwaffe, dompteur, directeur de cirque, cambrioleur, faussaire, assassin, psychiatre. La liste était longue et fascinante. « Puisque je suis laide, se répétait Sharon, autant apprendre à me débrouiller toute seule. Plus tôt j'en serai capable, mieux ce sera. Aucun garçon ne tombera amoureux de moi, jamais. Je n'aurai pas de mari. Si je ne veux pas devenir folle, j'ai intérêt à me trouver une occupation passionnante. Génie du crime, ça me conviendrait assez. » Elle avait rapidement cessé de s'offusquer lorsque Ziegfeld Horst lui confiait quelque chose qui heurtait son sens moral. « Cesse de jouer à la petite fille, se disait-elle. Tu fais ton apprentissage. Voilà tout. » L'assassinat à grande échelle était en train de devenir le sport à la mode. Pourquoi aurait-elle ramé à contre-courant? Le vieil homme, lui, avait fini par apprécier la compagnie de ce lutin au visage à demi massacré. Le profil droit adorable, le gauche effrayant comme un masque d'écorché. Il avait fini par comprendre qu'il ne pourrait jamais se raccommoder avec Amy. Quelque chose s'était brisé entre eux. L'amnésie avait effacé les souvenirs qui les avaient liés jadis, plus puissamment qu'un père et sa fille. Amy ne cessait de s'éloigner, comme s'il lui faisait peur, comme si le traumatisme subi par son cerveau avait fait d'elle quelqu'un d'autre. Une inconnue douée de sens moral. Elle était devenue différente, étrange, étrangère. Il ne retrouvait plus en elle l'orpheline qu'il avait recueillie au bord de la route un jour de fièvre et de sang. Le petit animal qu'il avait élevé, dressé, pour en faire un prédateur respecté de toute la profession. Non, Amy n'était plus rien de tout cela. Sharon, par contre, semblait disposée à l'écouter. Il voyait en elle une élève potentielle, une apprentie malléable et douée. Détruite, elle avait appris à survivre, à tuer. C'était une jeune louve, sauvage, qui ne s'encombrait pas de morale. Cela lui convenait à merveille. Parfois, il se surprenait à planifier son éducation. « Pourvu que je vive assez longtemps pour lui apprendre ce que je sais », se disait-il avec mélancolie. « Tu crois que le sous-marin va nous torpiller et qu'on va tous mourir ? Sans qui, la petite fille ?»« Je ne sais pas », murmura le vieillard. « Il se conduit bizarrement. » Nous étions à la traîne, isolés des autres, donc une proie facile. Et pourtant, il nous a ignorés. Pourquoi? Dans la nature, les prédateurs attaquent toujours les bêtes qui lambinent à l'arrière des troupeaux. Ce n'est pas logique. Il nous garde peut-être pour la fin, comme une sorte de dessert. Ça se pourrait, fit distraitement Hortz. Depuis quelques jours, une idée lui trottait dans la tête. Une idée qu'il n'envisageait même pas d'aborder avec Amy. Tu sais, commença-t-il en baissant la voix. À mon avis, il se passe des choses étranges sur ce bateau. Je veux dire, qu'il n'est peut-être pas ce qu'il a l'air d'être. Tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Oui, j'éprouve la même impression. Je crois que tous ces gens mentent. Ils essaient de se faire passer pour de pauvres immigrants pleurnichards, mais je crois qu'il y a autre chose. Un secret. Hortz sourit. La vieille excitation se réveillait en lui. Ainsi la gamine avait le don. Le flair, sans lequel il n'existe pas de grand voleur. Une sorte de sixième sens animal. « Je voudrais, commença-t-il. « Tu voudrais que j'explore le bateau, compléta Sharon. « Que j'aille fureter dans la cale, dans les soutes ?»« Oui, je pense que c'est là que ça se tient. « Ces gens-là sont trop sur le qui-vive pour être de simples immigrants partis refaire leur vie au pays des kangourous. « Ça se voit dans leurs yeux. « Ils nous jouent la comédie depuis le début du voyage. « Tous les rôles du répertoire y passent. Le barbon borné, l'hystérique écervelé, l'infirmière majeure viriloïde. J'irai voir, ce sera facile, les marins ont peur de moi. Ce sont des indigènes, ils me prennent pour un esprit malfaisant. Quand je m'approche d'eux, leurs mains se mettent à trembler et ils touchent l'amulette qui pend à leur cou. Ce n'est pas des marins que j'ai peur, mais des hôtes, Barbington, Lonsdale Crawford. Sharon eut soudain l'un de ces gestes gracieux de jeune lady qui lui échappait parfois et qui contrastait si étrangement avec son apparence de lutin maléfique. « Peut-être qu'on se monte la tête, lança-t-elle avec un rire perlé. Et si c'était vraiment de pauvres types, tu y as pensé ?